Francis Jammes, extrait de Clairière dans le ciel. L'enfant lit l'almanach près de son panier d'œufs, et en dehors des saints et du temps qu'il fera, elle peut contempler les beaux signes des cieux, chèvres, taureaux, béliers, poissons, etc. Ainsi peut-elle croire, petite paysanne, qu'au-dessus d'elle, dans les constellations, il y a des marchés pareils, avec des ânes, des taureaux, des béliers, des chèvres, des poissons. C'est le marché du ciel, sans doute, qu'elle lit. Et quand la page tourne au signe des balances, elle se dit qu'au ciel, comme à l'épicerie, on pèse le café, le sel et les consciences.